PKFM jusqu'au bout du monde. Je suis Asalfo, je suis membre du groupe Magic System. Je crois qu'à l'image de Boaké, c'est toute la Côte d'Ivoire culturelle qui doit s'organiser de la sorte. Si dans chaque département, dans chaque ville, on avait des artistes qui se mettaient comme ça en association, c'était plus facile de gérer ces artistes-là parce que le message allait passer plus vite. C'est parce que nous avons beaucoup baigné dans l'anarchie, c'est ainsi que le milieu n'a pas pu être organisé et qu'on a toujours des petits bisbis au sein de la famille artistique. Donc c'est une très belle initiative à suivre. Je vois que Koumassi aussi avait déjà emboîté le pas à Boaké. Et c'est comme ça que nous devons marcher sur chaque département à une association. Ça sera bien pour le monde de la culture. Voilà. On pourra après fonctionner par coopérative. Le plus difficile n'est pas de se mettre ensemble, mais c'est de rester longtemps ensemble. Donc c'est là qu'il y aura un autre défi. Il faudrait pas qu'il y ait des discordes. Il faudrait toujours qu'il y ait le consensus dans leurs discussions pour qu'ils se mettent ensemble. Il faudrait pas qu'il y ait une seule personne qui prenne les décisions, qui s'assied et qui décide ensemble. Ça crée de la cohésion. Donc c'est le seul conseil que je peux leur donner. Et j'espère que voilà, ça pourra leur servir pour la suite. Il faudrait que ça continue. Il faudrait que tout se fasse avec élection, que tout se fasse avec consensus. Et il y a pas de raison que ça n'avance pas. En tout cas, je leur dis bravo et j'espère que la prochaine fois qu'on viendra, ça sera quelque chose de bien ancré. C'est pourquoi j'ai déjà invité deux personnes de leur corporation au FEMIA pour leur donner l'espoir. Voilà. PKFM jusqu'au bout du monde.